Alors, négro, tu prends ton pied avec ma cassette, hein? Ouais, j'avoue que c'est cool, cette connerie. Ouais, négro. Mais quand même, t'aurais mieux fait de me brancher sur ce coup-là, mec. Je t'aurais fait ça bien mieux. Oh, merde, négro, ça ne regarde que moi. Faut pas t'inquiéter. T'inquiète pas. Je suis plus fort que Steven Seagal. Avec cette connerie, je vais être une superstar. Écoute, négro, je t'ai dit que je ne voulais plus que tu montes ce putain d'enregistrement. Mais pourquoi il faut que tu me gonfles chaque fois avec ça, mec? Il peut rien nous arriver. Ok? Ok? La ferme. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'allumer cette bande de pédales. Mais ça va pas être dur.